seversin. This is a journey. Fonaj müzik. Would you join me please in welcoming? Rhythm full of culture. Ok, c'est rebelle musique. Che Guevara musique. J'parle comme un Uzi. Bang bang music. Ok, c'est rebelle musique, Che Guevara musique. J'parle comme un Uzi, bang bang musique. Fuck la police, mon Laron, les kings, Amadou Diallo. Putain, ils ignorent, on est qui? Trop de skins veulent te foutre dans le fleuve. Sous l'influence du bon, faut qu'on lui shoot l'autre œil. Les fachos du FN font leur prière en pensant à Hitler. Pour les feux, comme si c'était hier. Hitler aussi sera aux sales flics, jigsac. Ici, le fric est moins sale que leur fille. Sache que les jeunes bronzés paient leur excédent de soleil par l'explosion et le manque d'oseille. Bienvenue sur ces avenues où t'es mal vu. Dans chaque rue, la nuit tombée se profile une balle. En dehors de cette Babylone société, désignée type à abattre ou enfermée. Marianne veut ma tête, elle aura ma bite. Elle qui m'a promis le paradis, sale bitch, esclavagiste. J'parasite les ondes, technique d'Arafat fils. Engrenage à la Farrakhan, 9-4 Fahrenheit. Babylone by night, rendez-vous chez Sarko pour un drive-by. Fox Star comme Red Sky, sur le régime. Engrenage, alias Supreme Team.